le grand vide. Je me trouve face à un vide sans limite. Un tourbillon de matière translucide parcourt son centre. Instinctivement, je m'accroche à la paroi. Je suis terrorisé. Heureusement, je trouve quelques points d'appui qui me permettent de ne pas tomber et surtout de réfléchir à la situation dans laquelle je me trouve. J'exagère. Je n'emmène pas large. Je suis pour l'instant dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Effrayé, je meurs de peur. Je jette des regards de côté, espérant trouver un réconfort moral. J'en viens à regretter l'espace cloîtré dans lequel je me trouvais précédemment. Allons, respire. Tu ne vas tout de même pas rester ici, planté toute la journée. Tu attends le bus ou quoi ? Après un petit moment d'hésitation, je parviens à respirer normalement et commence à analyser mon environnement. Une sorte de puits sans fond, ni plafond ou ciel, mais en fait constitué de rochers réguliers, comme taillés dans le matériau même avec un marteau et un burin. Le plus inquiétant est ce tourbillon qui semble me surveiller. Je remarque une chose, lorsque je bouge, il s'anime d'un mouvement de balancier et a tendance à s'approcher. Effet de mon imagination ou peur intuitive de chute mortelle, le plus énervant est ce bruit qui monte et qui descend. Dans quelle diablerie suis-je donc tombé? Je crois que même le crime le plus horrible ne mérite pas un tel châtiment. Je repose au bord d'une corniche, tout à fait instable. Je commence donc à progresser le long de la paroi. Je remarque qu'à quelques mètres de là, il y a une petite ouverture d'une couleur jaune comme le soleil, calme et agréable à regarder. Serait-ce enfin l'issue de secours? Plaqué à la paroi, je progresse petit à petit. De temps en temps, j'émets un cri de frayeur. Sous mon pied, une partie de la corniche tombe dans le vide. Ce tourbillon n'est pas là pour arranger les choses. Plus j'avance, plus il s'anime d'un mouvement de va-et-vient et s'approche de plus en plus de moi. Au passage du cyclone, je frémis. J'ai de plus en plus de mal à rester agrippé. Et ce bruit qui me casse les oreilles, quelle horreur! Une odeur d'essence brûlée empuantit l'air, j'ai la nausée. Encore un petit mètre et je serai libre. Peine perdue, une bourrasque m'arrache à mon support et je suis entraîné dans le vide tournoyant de mon désespoir. Et pour la première fois de ma courte vie, l'idée même de la mort me glace le sang jusqu'aux os. Tant de peine pour se retrouver ainsi ballotté au gré de cette dépression. Dire que la course peut se terminer en un fracas sanglant contre un rocher ou simplement en une aspiration verticale dans ce nuage puant qui mènerait vers l'asphyxie rapide et sans douleur. Mort en ce moment peut-être souhaitable. Je hurle de terreur et, pris de panique, je m'évanouis dans le néant de ma conscience.